ce pays qui était comme le neuf. Le 13 février 1939, je suis né à Val-d'Or en Abitibi, dans ce pays qui est encore tout neuf. J'avions connu Arnès Turcotte, qui vivait en de beaux bueno, qui parlait aux hommes et aux dons, qui jette la tèche aux assez bonnes, pour aller comme Chicho Hébert, fond de la forêt avec ses nerfs. Qui avait pas Chinsu, qui avait haché Boxo, il est bas dur comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'aube, pis du front tout le tour de la tête, pis qui n'était pas si bête. En 1910, on a mis TV dans mon pays. J'allions jouer aux filles dans les bois. Je viens de la Bitibi, moi je viens de la Bitatibi. Moi je viens d'un pays qui est de lac Béran. Moi je viens d'un pays où est-ce que le poisson mort. Quand j'étais petit, j'allions jouer aux bois avec les épinettes et les bouleaux. J'allions gazouiller avec les oiseaux. Quand j'étais petit, me suivions le ruisseau. Je jouais de la ricana sur la rivière harmonica. Leur bandeau rose et les gros chars sur la petite scène qui venait en or. Dans un bambou, je creusais maison et dans la glace, j'écrivais ton nom. Et l'hiver à l'aréna, on patinait tout en temps. L'été près du lac Noué, on faisait semblant de rien. On ramassait des pelouas, on vendait pour presque rien. En 1905, un ami tu mis dans mon pays. Chantouine, bois des rires avec mes piastres. Je revenais au compte dans les astres. Au petit matin près de la mer.